Les joueurs coréens qui avaient participé aux compétitions de Pado de la ville internationale de Hangzhou pour la Coupe Saint-Louis 2016 ont regagné la patrie le 3 courant par train. Aux compétitions tenues du 27 au 30 octobre en Chine, on prépare les joueurs et joueuses de 33 équipes d'une dizaine de pays et régions, y compris la Corée, la Malaisie et le Canada. La Coréenne Ham Eun-kyung a décroché la Coupe d'or à l'épreuve individuelle et au double dames, elle a reçu la médaille d'argent avec Chang Ni-kyung. L'équipe coréenne s'est classée première au classement d'équipe féminine pour ainsi décrocher la Coupe d'or.